السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي من علينا بلقاء جديد لمدارسة كتاب الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، فنقول مستعينين بالله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عشر، لو 17 حديث، d'après أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، d'après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: certes, Allah a prescrit la bienfaisance pour toute chose. Alors, si vous tuez, faites le bien. Et si vous égorgez, faites le bien. Et que chacun d'entre vous aiguise bien son couteau et qu'il repose sa bête qu'il va égorger. Rapporté par Muslim. Ce hadith donc contient plusieurs profits et bénéfices. Parmi ceux-là, le fait de voir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa compassion envers ses créatures, et cela même envers les animaux. Car dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la bienfaisance obligatoire dans toute chose. Puis il nous cite l'exemple de la bête à sacrifier, pour laquelle il est aussi obligatoire d'emprunter la meilleure manière d'accomplir cela, et la manière qui sera la plus apaisante pour l'animal. Donc, فَلْيُحِدَّ شَفْرَةَ, que la personne aiguise bien son couteau et qu'elle apaise sa bête, donc qu'il va sacrifier. Donc, le croyant à travers ce hadith comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit, lui a rendu obligatoire al-ihsan, la bienfaisance, dans tout ce qu'il accomplit comme acte, cela selon sa capacité. Et cette bienfaisance, cette ihsan, sera, comme le cite Ibn Rajab rahimahullah, différente selon l'acte accompli. Donc, à titre d'exemple, la bienfaisance dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire, est le fait d'accomplir ce qu'il a rendu obligatoire de manière apparente et intérieure. Et quant aux actes recommandés dans cet acte, alors ils ne seront pas considérés comme de la bienfaisance obligatoire, même s'ils sont aussi de la bienfaisance. Donc la bienfaisance sera de deux types: celle qui est obligatoire, qui consiste à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, puis la bienfaisance qui sera le fait d'accomplir ce qui va être surrogatoire et acte recommandé. Et cela est aussi pour la bienfaisance qu'il y a dans les relations entre les gens. Celle qui sera obligatoire sera le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Et quant à ce qui dépasse cela, ne sera pas voulu par l'obligation citée dans le hadith, même si cela sera aussi de la bienfaisance. Donc la bienfaisance, de manière générale, sera dans le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire et de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et par la suite viendra la bienfaisance qui sera un acte qui sera recommandé, préférable et aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera un surplus de cela. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Surat al-Baqarah, verset numéro 195. Donc le croyant de par ce hadith, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accourt à essayer de parfaire et de bien faire tout ce qu'il accomplit comme acte d'adoration et comme relation entre les gens, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de l'assister et de l'aider à accomplir cela. Et qu'il sache que la bienfaisance réside dans le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Car certes, Allah aime la bienfaisance, aime les bienfaisants et ordonne la bienfaisance subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur rahimahullah nous dit le 18e hadith d'après Abu Dharrin, Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit hadith bon, et dans certaines copies bon authentique. Donc ce hadith est aussi un des immenses ahadiths venant montrer au serviteur la voie, le chemin qu'il doit emprunter dans ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit de son âme ainsi que celui des gens qui l'entourent. Quant au premier point qui est ce qui se réfère à ce qu'il incombe au serviteur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui se trouve dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: crains Allah où que tu sois. Ittaqillah haythuma kunt. Donc qui est donc la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. La taqwa qui est tirée du mot waqa qui veut dire protéger, qui consiste donc en ce que le serviteur place une protection entre lui et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela par l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits subhanahu wa ta'ala. Une taqwa, une piété qui a des bénéfices et des mérites indénombrables. Parmi cela, le fait que le serviteur puisse obtenir à travers cela l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans aucun doute une cause menant à ce que le serviteur obtienne tout bien dans ce bas monde et dans le-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: certes, Allah aime les pieux. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Les pieux, ceux qui le craignent. Surat At-Tawbah, verset numéro 4. Puis, quant à ce qui se réfère à ce qui est demandé au serviteur envers son âme, il est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Donc cela est comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, certes les bonnes actions dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Surat Hud, verset 114. Certes les bonnes actions dissipent les mauvaises. Donc les bonnes actions accomplies par le serviteur à la suite des mauvaises sont une cause, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'expiation de celles-ci, donc des mauvaises actions. Puis quant à ce qui concerne ce qu'il incombe au serviteur envers les gens, il est dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. C'est-à-dire de se comporter avec les gens d'une bonne manière dans les paroles et dans les actes. Dans les paroles et dans les actes. Le noble Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah nous cite en réponse à la question qui est: qu'est-ce que le bon comportement? Il nous dit rahimahullah: certains ont dit, le bon comportement est le délaissement de la nuisance aux gens. Donc, kafful adha, le fait de délaisser et de ne pas venir aux gens, ou bien de ne pas toucher les gens de par sa nuisance. Donc, le délaissement de la nuisance faite aux gens. Deuxièmement, bazlun nada, qui est al-ata, donc la donation, le fait de donner, d'offrir aux gens. Troisièmement, de patienter face aux nuisances provenant des gens. Et quatrièmement, d'avoir un visage souriant. Donc que la personne fasse en sorte de délaisser la nuisance faite aux gens et à l'inverse, de leur faire parvenir le bien selon sa capacité, de patienter face à ce qu'elle peut recevoir comme nuisance provenant des gens, car celui qui vit au milieu des gens aura inévitablement des nuisances qui lui parviendront de la part des gens. Puis que la personne ait un visage souriant. Talaqatul wajh. Puis il nous dit, rahimahullah, et la définition de cela se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après les sens du verset, accepte ce qui te vient de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Surat al-A'raf, verset 199. Donc, accepte ce qui te vient, ce qui te parvient de raisonnable, c'est-à-dire de raisonnable et facile provenant des gens. Et ne souhaite pas que les gens se comportent avec toi comme tu le veux, car cela est impossible. Mais prends ce qui te parvient. Donc la personne fait en sorte d'accepter des gens ce qui lui parvient comme chose simple. Et n'impose pas aux gens de se comporter avec lui de la manière qu'il aime lui. Cela fait partie du bon comportement. Et que la personne délaisse les ignorants et ordonne le bien, ce qui est connu comme étant bien auprès des gens, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir. Puis l'auteur rahimahullah nous cite certains points concernant l'auteur ici, qui est le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, concernant le bon comportement. Est-ce que celui-ci est jibilli ou bien muktasab? C'est-à-dire, est-ce que la personne est née avec un bon comportement ou est-ce qu'il est possible pour la personne d'acquérir un bon comportement? Donc il nous cite, rahimahullah, en résumé, que le bon comportement est de deux types. Il se peut que la personne soit née avec certains bons comportements, comme il a été cité pour le compagnon Al-Ashaj Abdel Qais, radiallahu anhu, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as certes en toi deux comportements qu'Allah aime. Puis, à ce compagnon de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ces comportements ont été adoptés de par ma part, ou est-ce qu'Allah m'a créé avec ces comportements? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a créé avec ces deux bons comportements. Donc ce qui montre que ce compagnon a été créé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec en lui ces deux bons comportements. Mais il y a d'autres comportements que la personne peut acquérir, cela en se forçant, en faisant des efforts pour acquérir ces bons comportements. Comme il est venu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Man tasabbara yusabbirhu Allah. Quiconque se force, quiconque est endurant et patient, Allah l'aide et lui accorde la patience, l'endurance. Donc la personne peut faire des efforts et doit même faire des efforts pour adopter des bons comportements et pour avoir à travers cela les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées à ceux qui ont un bon comportement, comme ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole lorsqu'il nous dit, certes, ceux qui sont parmi vous les plus aimés auprès de moi et qui seront les plus proches de moi le jour dernier, sont ceux parmi vous qui ont les meilleurs des comportements. Donc, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, nous accorder un bon comportement, de réformer nos actes, nos paroles et nos cœurs. Allahumma hdina li ahsani al-akhlaqi wal-a'mal, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, wa qina sayyi al-akhlaqi wal-a'mal, fa innahu la yaqi sayyi'aha illa ant. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, واستغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.